À l'occasion du 62e anniversaire de libération de la patrie, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les travailleurs de tous les milieux et les jeunes et enfants ont visité les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour exprimer leur hommage. Devant les statues en bronze se trouvait la corbeille de fleurs envoyée par le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Y ont été déposées aussi les corbeilles de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, usines, entreprises et écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang et de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les visiteurs se sont inclinés devant les statues des grands hommes peu communs. Les militaires de l'armée populaire de Corée, les travailleurs de tous les milieux, les jeunes et enfants, ont fleuri aussi les statues et portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans la capitale et partout dans le pays avant de rendre hommage.